Frères et sœurs, nous voulons accueillir cette parole ce soir. Nous voulons que cette parole soit féconde, qu'elle soit féconde dans notre vie. Nous ne voulons pas la mettre en terre pour qu'elle reste stérile. Alors soyons attentifs à ce que le Seigneur veut nous donner ce soir. Nous arrivons à la fin de l'année, à la fin de cette année liturgique, et les textes que nous entendons depuis plusieurs dimanches, à la fin de l'évangile de saint Matthieu, nous parlent des fins ou de la fin des temps et de ce retour de Jésus. Nous l'avons dit et nous l'avons entendu chanter pendant l'Alléluia, « Voici que je viens sans tarder et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Voici que je viens sans tarder. » Voilà le Seigneur qui vient vers nous. Il s'en vient après un long moment, comme le maître de l'évangile que nous venons d'entendre, 2000 ans que nous attendons son retour. En fait, pour être honnête, je ne sais pas si certains parmi vous se réveillent le matin en sursaut, angoissés à l'idée que le Christ puisse revenir ce jour même. J'en suis pas si sûr. La plupart d'entre nous, dans le fond, on n'y pense pas. On n'y pense pas consciemment, mais pourtant inconsciemment, oui, nous l'attendons. Nous l'attendons car nous attendons, oui, un monde meilleur. Et chaque jour, nous espérons que le monde sera meilleur qu'il ne l'a été la veille. Nous désirons, pour ce temps, un règne de la justice et de la paix. On porte tous ça dans notre cœur. Un règne où enfin il n'y aura plus de ténèbres, plus de jalousie, mais où régnerait enfin l'amour. C'est ce qu'on appelle les cieux nouveaux, cette terre nouvelle que les prophètes ont tant annoncé, mais c'est aussi ce que d'autres faux prophètes ont annoncé, telles les idéologies du XXe siècle, le communisme ou bien même ce libéralisme économique dans lequel nous vivons encore aujourd'hui, qui nous laisse penser que le règne de la justice et de la paix va arriver comme ça, grâce à ce système. Grâce à la régulation automatique du marché par l'offre et la demande, on vit là-dedans tous les jours et on nous laisse croire que notre bonheur arrivera par là. Frères et sœurs, notre bonheur ultime, ces cieux nouveaux, cette terre nouvelle que nous espérons, ce règne de justice et de paix définitif, le royaume de Dieu pleinement accompli, n'arriveront qu'avec le règne du Christ. Voilà la bonne nouvelle. Et c'est celle que nous portons dans notre cœur, même si on n'est pas tellement angoissé à l'idée que le Christ revienne, dans le fond, on l'attend. On l'attend au fond de nous-mêmes. Mais notre manière de l'attendre, elle doit être purifiée. Car nous sentons bien que pour pouvoir accueillir ce règne, il faut que nous commencions à nous laisser transformer. Il faut que notre cœur se laisse transformer par le Christ qui s'en vient, et cette transformation, elle va se faire de l'intérieur. Et la manière dont nous allons être prêts pour accueillir ce règne, c'est la manière dont nous avons et dont nous acceptons en fait aujourd'hui de nous approprier tous les talents que Dieu nous fait. Tous les talents que nous recevons du Seigneur, de quelle manière les accueillons-nous? Les biens matériels, intellectuels, même spirituels, qui nous sont confiés, comment les faisons-nous fructifier? Comment est-ce que cela, dans ma vie, contribue à ce que le règne du Christ se rapproche un peu plus chaque jour? Oui, certains de mes talents sont innés. Je ne les ai pas choisis, ils me sont donnés. Certains d'autres, je les ai travaillés par la vertu, par le travail quotidien, je les ai perfectionnés. Ou bien parfois j'ai reçu des biens par héritage. Tous ces biens, tous ces talents que je reçois, ils vont être décisifs dans ma manière de laisser le règne de Dieu s'épanouir aujourd'hui. Et c'est eux qui sont un moyen pour que le royaume s'approche et que ce règne de justice et de paix commence dans mon cœur. Alors il y a deux manières, frères et sœurs, de laisser ces talents ou de les prendre. Nous pouvons les laisser comme l'a fait cet homme qui a reçu un talent. Mais par peur du maître, qu'il voyait comme un homme dur, il a préféré mettre en terre ce qu'il avait reçu. Il a été incapable de voir la confiance que lui faisait le maître en lui donnant un talent selon sa capacité. Il en a eu peur et il a vécu dans cette vie déjà la crainte, les ténèbres, les grincements de dents et les pleurs, ils sont déjà son quotidien. Il a eu peur du maître. La deuxième attitude face à nos talents, c'est de nous les approprier. C'est l'attitude de ces deux serviteurs, celui qui va recevoir 5 talents et l'autre qui va en recevoir 2. Ces deux serviteurs qui vont prendre la confiance du maître au sérieux. Il leur a confié 2 ou 5 talents. C'est sérieux. Ils ont vu dans cet acte délicat du maître une responsabilité. Alors ils se sont appropriés ces dons. Ils en ont fait bon usage. Et ils ont vu que ce maître, plus qu'un maître, était un père. Un bon père qui voulait les faire entrer dans sa joie, sa propre joie. Mon enfant, entre dans la joie de ton père. Voilà le salaire qu'ils auront reçu. Frères et sœurs, nous avons une conversion à vivre. Parce que si nous regardons les biens que nous possédons, ces talents, nous devons remarquer que pour la plupart du temps, nous les enterrons, nous gérons pour nous-mêmes. Je voudrais parler d'un aspect particulier ce soir, c'est celui de l'argent. Voilà un bien matériel que je possède, mais que je gère et dépense comme si Dieu n'existait pas, comme si Dieu n'avait rien à voir avec l'argent que je possède, comme si l'argent était sale, que ça n'avait rien de spirituel. Notre argent, nos talents, tout ce que nous sommes, tout cela doit contribuer à faire grandir notre relation au maître pour que le maître devienne un père. C'est-à-dire qu'en fait, notre argent doit nous faire grandir dans la foi, comme tous nos talents, sinon ça demeure stérile. Est-ce que nous nous sommes déjà demandé si notre compte en banque nous faisait grandir dans la confiance en Dieu? C'est une bonne question à se poser. Peut-être que certains, quand ils voient arriver la fin du mois, ils se disent « Mon Dieu, viens me sauver de là ». Mais ce n'est pas seulement à la fin du mois qu'il faut le dire. Oui, nous avons tous de l'argent, plus ou moins beaucoup. Nous avons tous des biens et nous devons en user de manière intelligente. Mais reconnaissons que parfois nous sommes tentés de recevoir cet argent comme s'il ne venait pas de Dieu. Après tout, c'est moi qui ai travaillé pour le gagner. C'est moi qui ai sué, c'est moi qui ai étudié pour arriver à avoir ce métier et maintenant gagner de l'argent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on ne s'approprie pas ce don qui nous est fait. Ça veut dire qu'on n'utilise pas l'argent comme s'il venait de Dieu, mais on l'utilise en niant d'où il vient. Alors on le gère n'importe comment. On achète n'importe quoi. Parfois même on s'endette bêtement. On gaspille. En tout cas, on n'utilise pas le critère de l'amour pour utiliser notre argent. Comme si le domaine de l'argent était extérieur à celui de la charité. Comme si c'était un autre univers. Alors finalement, on l'enterre. On le met en terre. Et c'est là qu'il va rester stérile. Il ne va servir à rien ni à personne, sinon à moi seul. Mais jamais il ne va édifier le règne de Dieu. Jamais ce don qui m'a été fait ne va contribuer à faire grandir ma relation à Dieu. Je les ai séparés. Quel dommage! Quel dommage, parce que alors nous entrons dans la peur. Comme le serviteur au talent unique, on entre dans la peur. Que de situations financières fragiles, angoissantes, parce que dans le fond, notre argent, on l'enterre pour le protéger. Quel dommage. Oui, nous avons peut-être peu d'argent, mais comme tous nos talents, comme tout ce que nous sommes, comme tout ce que nous avons, il y a là un moyen de transformer le monde, de hâter la venue de Jésus. Et la première manière que je voudrais proposer ce soir pour retrouver le sens spirituel de l'argent, c'est de le confier à Dieu, c'est de le remettre à Dieu, de reconnaître qu'il est le père de tous mes talents et donc de mon argent. Et c'est le sens de la dîme. On en a parlé il y a quelques mois déjà, la dîme. Le dixième de nos revenus nets dans la tradition judaïque, déjà, c'était cette part que l'on remettait à Dieu en action de grâce pour tout ce que nous recevons de la création et de notre travail. C'est un acte de gratitude pour ce Dieu qui me donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Alors on donne une part. En fait, c'est la part de Dieu. Évidemment, c'est symbolique, puisque dans le fond, tout lui appartient. Mais je choisis de lui donner une part, un dixième approximativement. C'est une part non négligeable, un dixième de ses revenus nets que nous offrons à Dieu. Mais quel acte de foi nous faisons là ? Nous voulons, à travers cette offrande, non pas correspondre à un certain légalisme de bon catholique, parce qu'il faut le faire, mais nous voulons rendre grâce pour toutes les grâces reçues. Pour cet emploi que je viens d'avoir et pour lequel je veux rendre grâce. Pour ces salaires qui, aux 15 jours, viennent renflouer mon compte en banque. Pour le travail que je peux exercer par mes capacités, tous les dons que j'ai reçus, les études que j'ai pu faire, que certains m'ont aidé à faire. C'est un moyen concret de rendre grâce, de rendre la grâce qui m'a été faite au Seigneur. En le faisant, je vous garantis, c'est concret. On se rend compte que cela vient évangéliser notre compte en banque. On se rend compte que oui, le Seigneur est maître de tout quand on lui offre une part significative. Et on n'a pas besoin, et on n'a plus besoin, de se battre tout seul pour joindre les deux bouts, pour finir le mois, pas dans le rouge. Parce qu'on n'est plus les seuls à gérer notre compte en banque. En posant cet acte-là, je reconnais que Dieu est maître aussi de mon argent et qu'il a souci de moi matériellement. Dieu ne veut pas plumer mon compte en banque. Il veut me bénir aussi matériellement. Mais si je lui offre rien, si je ne lui fais pas confiance dans ce lieu-là qu'est l'argent, comment pourrait-il me bénir ? Si je l'enterre, si je le mets en terre pour moi tout seul, où sera la fécondité ? Alors nous n'avons pas besoin d'être bien riches pour offrir sa part au Seigneur. Il nous faut seulement vouloir qu'il règne là aussi. Et reconnaissons que ce n'est pas facile, parce que l'argent a un pouvoir qui peut être diabolique réellement, si on n'y met pas la charité. Mais si on y met le Seigneur, c'est un soulagement, frères et sœurs. C'est une bénédiction, parce que le Seigneur ne veut pas seulement qu'on aille bien spirituellement, mais il veut aussi notre bien temporel, matériel, concret, financier. Alors, concrètement, c'est la fin de l'année, et c'est notre campagne de financement de la paroisse de fin d'année. Vous voyez où je veux en venir. Je vais inviter des personnes qui doivent distribuer maintenant le tract de financement, de campagne de financement, à passer dans les rangs, s'il vous plaît. Vous allez recevoir un tract. Ce n'est pas un tract bête pour quêter. C'est un tract qui rend grâce à Dieu. Pour tout ce qu'il fait ici, dans cette paroisse, rien qu'en une année, puis c'est le travail de plusieurs années, on voit les fruits, la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait ici. Et nous voulons le faire aussi, nous, personnellement, par notre contribution matérielle, par notre contribution financière. Car nous savons et nous voulons que le Seigneur règne tout entier dans notre vie et nous voulons que notre argent soit un moyen de grandir dans la foi. Alors, frères et sœurs, eh bien, c'est l'occasion pour nous, en cette fin d'année, on va utiliser beaucoup d'argent pour préparer les fêtes de Noël. Quelle part allons-nous accorder au Seigneur ? Et là encore, frères et sœurs, il ne faut pas être bien riche pour offrir un dixième ou quelque chose qui s'approche d'un dixième. Il faut poser un acte de foi et rendre grâce surtout pour tous les dons qu'il nous a déjà faits et ceux qu'il va faire encore à travers cette audace que nous aurons.